jour à 3 ans, il a en montant le cheval de son papa battu au galop le fameux Jojo, tireur de l'eau. Aïe ho, en chassant, se trouvant devant une charge de 1000 bisons. Avant de rentrer dedans, il a pris le temps de brosser son veston. Ah, quel bonhomme, ah, quel surhomme, de face ou de profil, on aura pu faire au pile. Un jour au combat, tout seul contre 3, il a pris son revolver. En disant partez, vous n'êtes pas assez, il a tiré en l'air. Ah, quel bonhomme, ah, quel surhomme, de face de profil, on aura pu faire au pire. Passait le dimanche à chasser le Comanche par les monts et par les plaines, suivant sans relâche les Indiens Apaches les autres jours de la semaine. Ah, quel bonhomme, ah, quel surhomme, de face ou de profil, on aura pas.